sais qu'il est l'heure, il est déjà grand temps. Je prends mon courage quand ils verront le bel ouvrage. Je crois qu'il est temps, car déjà mes 30 ans ne résonne à mon cœur que pour ce pire instant. Je ne veux pas fuir, je ne veux plus salir la vie qui me tue, a bien trop bu quand je mourus. Feu cette balle à cœur déçu, elle a brillé quand je l'ai vue. Feu de mon corps à temps perdu, elle a brûlé et j'ai tout vu. Ça fera un escargot.